Je vais vous entretenir d'un sujet d'actualité tout ce qu'il y a de plus pertinent, c'est-à-dire l'horreur. L'horreur est omniprésente dans vos vies et ce quotidiennement. Elle marche derrière vous silencieusement, vous suit pas à pas furtivement. Elle prend toutes sortes de formes et au moment où vous y attendiez le moins, elle vous saute dessus tel un félin affamé. Et le pire dans tout ça est que vous la côtoyez tellement souvent...que vous ne vous rendez même plus compte qu'elle vous saigne à blanc. Mais voici une façon de la reconnaître, et facilement. Demeurez debout devant votre miroir ne serait-ce que 5 secondes. Elle se tient devant vous. Et présentement, elle est assise à ma place, et juste à côté de moi, elle s'appelle Dr. Pain et Sinistrose. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir comme praticien l'horreur, surtout lorsqu'elle a figure. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our business. We are undead, incorporated, 'cause Pendragon said so. Go. Ah, shit. J'ai encore coulé mon stage. C'est la deuxième fois. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi 30 septembre, venez voir les Rouges et les Verts s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Moi, j'ai soif de connaissances. Moi, j'ai envie d'apprendre. Moi, je veux tout savoir. Moi, j'ai juste tellement faim. Les études sont longues, les journées sont courtes. Passe donc chez Valentine avec tes amis et récompensez-vous. Vous le méritez bien. Valentine, les meilleures frites au Québec. 5 restaurants Valentine à Trois-Rivières. Suivez Valentine QC sur Facebook ou visitez-nous au valentine.ca. Hey! Lâche pas la patate! Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est fou. 89.1. Je ne vous souhaite pas bienvenue à Réanimation. En cette édition du 24 septembre de l'an de Disgrâce 2013, je suis le Dr. Pain Pendragon et l'autre horreur à ce côté de moi est Sinistros. Yes, Seigneur! Sinistros. Comment? Sinistros. Comment vas-tu? Ben, c'est pas de tes affaires. Ben, c'est ce que je pensais aussi, mais hein? Comment vas-tu quand même? Ben, c'est pas de tes affaires quand même. Ben là, c'est une de mes affaires, là. OK. Bon, ben, je m'en sacre pas mal, comment tu vas? Parfait. OK. Ben, ça part bien mal, hein? Ah oui. Je pense qu'on va arrêter ça tout de suite. OK. Bon, à la place, on va vous diffuser... Les grands ballets canadiens. Une reprise de quelle famille? Ah oui, ce serait de bon, ben, le fun. Bon, on a encore une émission pleine de choses étranges... les unes plus que les autres, principalement au niveau musical. Hein? Ben. Genre, en tout cas, je regarde ta playlist à toi, puis je me dis, ouf, on va trouver le temps long. Comme d'habitude. Ouais. Je regarde la mienne, je me dis, wow, quel choix extraordinaire. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire, en guise de premier bloc d'ouverture, les formations suivantes, Corrosion of Conformities, c'est aussi, c'est vos préférés, et la pièce King of the Rotten. C'est la pièce d'ouverture de l'album de 1996, Wise Blood, qui était sur l'étiquette Sony Music, avec l'excellent vocal de Pepper Keenan. Juste auparavant, nous avions Bison BC, et la pièce Close Up Pain Dream, que l'on retrouve sur Loverlessness. C'est ça, Lovelessness. Dernière apparition de Bison BC qui est paru en 2012 sur Metal Blade, Monster Truck et la pièce de Lion que l'on retrouve sur le premier Full Length, premier album. Cette formation très prometteuse, Furiosity, qui est paru évidemment cette année sur Down Alone. Formation Down et la pièce, évidemment, le vocal de Felipe Anselmo et la pièce Temptations Wings que l'on retrouve sur, pièce d'ouverture, j'ai oublié de la difficulté avec l'élocution ce soir. Album Nola, qui est paru en 1995 sur Elektra, nous avions ouvert avec Black Sabbath. Et la pièce d'ouverture également du dernier album, en fait, c'est une retrouvaille, une reformation de Black Sabbath, du moins dans son trois quarts, c'est ce que je voulais dire. L'album 13, la pièce End of the Beginning. C'est paru sur l'étiquette Vertigo. Bon, je vais peut-être être capable d'arrêter de dire 40 mots à la seconde puis de me concentrer. Tape moins vite. C'est ça. Je vais parler comme ça à la place. J'ai les chroniques cinéma pour vous ce soir qui sont, c'est pour certaines, pour, non, pour une assez bien, pour les autres assez martelantes. On va bien rigoler de taper sur le clou de ces films. Et j'ai pas de spécial, je n'ai pas de présentation, mais Sinistros en a. Eh oui, nouveau et possiblement souhaitable dernier album de Ministry. T'as raison, souhaitable. Souhaitable, parce oui. que Ministry, c'est là, il fait encore la promesse de là, c'est le dernier. Ben, fais-les avant de tomber. Là. Ben, tu sais. Qu'il ça... fasse avant de se planter royalement, là, il est encore quand même assez haut, là. Reste là, puis arrête tout. Oui, mais l'avant-dernier album, je l'ai trouvé pas très bon. Moi, j'ai trouvé très bon. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est parce que là, à un moment donné, t'as beau vouloir ressasser un paquet d'affaires, ben, ça commence à... Arrête. La recette a été bien utilisée, elle est épuisée. Ben, From Beer to Eternity, c'est un peu comme une genre de rétrospective de la carrière de Jorgensen avec Ministry. Fait que t'as un peu de persil puis un peu de ciboulette dedans, tu sais. Des petits bouts à la Land of Rape and Honey, d'autres petits bouts à la Psalm 69, avec d'autres passages des derniers Ministry, disons. Là. Mm-hmm. Quelques petits clins d'œil New Wave ici et là, ou des passages reggae. Il y a beaucoup d'influences comme Revolting Cox. C'est un gros mix. C'est un album quand même assez bon, mais c'est le temps qui arrête. Non, sérieusement. Ah, je suis d'accord avec toi. Regarde, le meilleur de Ministry est derrière. Là. C'est parce qu'à un moment donné, là, TV4, là, ça arrête. Là, TV2, c'était bien correct. Là. Ouais. 3, là, c'était peut-être trop. 4, là, ça suffit. C'est estomacant. Ouais. C'est ça. Fait qu'on va entendre trois pièces de l'album. Hail to His Majesty, Punch in the Face, Perma War. Et ça sera suivi de Monolith That Killed avec HWA. Qui est un petit clin d'œil à NWO de Ministry. Oh boy! C'est conceptuel, ça. Oui, ben alors allons-y tout de suite. Ministry, Hail to His Majesty, qui a quelques petites consonances avec la pièce Scarecrow. Go! Yeah.

set my right mind and not been under influence of alcohol or drugs, I believe that I would have killed everybody there. Killed everybody there. I'm not going anywhere. I'm not finished with you. Nothing ever hits you like a punch in the brain. Nothing gets me going like a punch in the brain. Nothing makes me happy like a punch in the brain. Nothing ever slaps me like a punch in the brain.

vie de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Check ça, Mathieu. On a reçu ça par courriel. Bigger, harder, enlarge your ass, Rick. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? Ben, il y a juste une façon de le savoir. Clique dessus. Aïe, aïe, on a fait pousser notre émission. C'est Fou vous offre maintenant 3 pouces, 3 heures d'assemblage requis chaque matin. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. On dirait que t'es parti de 7h30. Hey Mathieu, finalement, c'était vraiment poche comme concept de pub. Ouais! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est Fou. h05 et l'émission s'achève. Eh oui, sur ce. Parce que maintenant, nous ne ferons plus que 1h10 par semaine. Et plus ça va aller, plus qu'on va en avoir moins. Ben écoute, il sort à rien de bon, ça je te dis. Ben, c'est cela. Bon, on va passer nos vieilles affaires. Une chance qu'on a des vieilles affaires. Ben, une bonne chance, hein, parce que on trouverait. Non, peut-être. Ben oui, nous autres, mais probablement que les auditeurs trouveraient le temps long. Il y a peut-être du monde qui trouve que 2013 est un excellent cru, mais en tout cas. Mais il y a peut-être du monde qui trouve le temps long, même si on amène n'importe quoi. Oui, aussi. Il y a juste à ne pas nous écouter. C'est vrai. C'est une parole de sage. Ça me semble de voir. Là, moi, j'écoute réanimation. C'est tellement plate. Là. Peut-être que c'est par acte de sacrifice. Oui, peut-être une torture. Et puis... Monolith Dead Cult, qui vient des Pays-Bas avec la pièce HWA, Human Wave Attack. Tiré de l'excellent album Tetragrammaton qui est paru en 2013 sur Season of Mist. Oui. Tout juste avant, on a eu 3 pièces du dernier album de Ministry, From Beer to Eternity. On a entendu le single Permawar, Punch in the Face et Hail to His Majesty. Vous avez peut-être pu entendre que Al Jorgensen est revenu avec ses petites actions saccadées, sampling si en on plus fédé. C'est un bon album, mais là, c'est vraiment le temps qu'Al décide de passer à autre chose. Ben, moi, honnêtement, là, je l'ai pas écouté, là, à part les 3 pièces que t'as passées là. C'est un bon album, là. Ça m'a pas emballé. Je pense que je suis prêt à passer le flambeau, là, pour d'autres choses que Ministry, là. Puis, ça fait quand même une couple d'albums que je trouve que, bon. Ben, le vrai Ministry, que moi je qualifie de vrai Ministry, ça fait longtemps que c'est passé. Là. Tout à fait. Oui. C'est Land of Rape and Honey, Psalm 69, Mine's a Terrible Thing to Taste. Mm-hmm. C'est les classiques. Et c'est jadis. Oui. Hey les amis, vous savez quoi? Vous pourriez assister au Trois-Rivières Metal Fest. Vous avez juste à vous acheter une paire de billets pour y aller. Ben oui, Trois-Rivières Metal Fest, 13e édition. Qui se tiendra le 11 et 12 octobre prochain. C'est dans pas si long que ça, hein? Trois semaines, effectivement. 17 jours, exactement. Hi, méchant décompte. Ça se tient à la bâtisse industrielle et vous pourrez voir les formations suivantes, soit le vendredi 11 octobre. Fernand Gignac et ses suppositoires. Ses suppos. Des histoires. Oui, des suppos des histoires. Le gagnant de du Metal Academy, dont on n'a pas encore le nom, ouvrira le festival. Il sera suivi de Unhuman, Hollow Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Voivod et Suffocation. Et tant qu'au samedi 12 octobre, les formations Hear My Words, Insurrection, Battle Cross, The Acacia Strains, Shadowfall, Obituary et Hatebreed. Il en coûtera $35 billets individuels par soir. Et pour le forfait 2 soirs, $60. Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site de Trois-Rivières Metal ou vous les procurer ici même à Trois-Rivières chez Long & McQuaid, à la Puce Rock, Amnesia, Metal Punk, à Montréal chez Profusion, à Québec, Vision Rock, et à Drummondville chez Disque et Ruban. Ouais! C'est ça! Et puis là, ben, ça risque d'être assez fort, hein? T'as pas du son, là. Ben, le son, oui. Le son, oui, effectivement. Mais écoute, il y a quand même une couple de gros calibres là-dedans. J'ai une grosse préférence pour vendredi soir. Moi aussi. Les trois derniers bands, mettons. Moi aussi, j'ai une grosse préférence pour vendredi soir, effectivement. Je vais être très curieux de voir Obituary. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir Obituary. Je suis curieux de voir Battlecross aussi. Puis Insurrection, ben, moi, je suis certain que ça. Ah, ça, c'est vendu d'avance. Oui, tout à fait. Bref, ceci étant dit. Non, je ne ferai pas la chronique cinéma immédiatement parce que. Ben, t'es bien mieux. Parce que ça me dit pas. Moi, bon, je regarde ça, là, puis je me dis que ça part. C'est plate. Oui, c'est vrai que c'est plate, ça. Je vous reviens avec ça un peu plus tard dans l'émission, mais pour tout de suite, allons-y avec, ben, justement, au moins deux groupes que nous retrouverons sur l'alignement du 3V Metal Fest. On va entendre des formations Vomitory, Jungle Rot, entre autres, mais allons-y tout de suite avec Obituary, Drop Dead. We'll be right back. Yeah! les 11 et 12 octobre prochains à la Bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Long & McQuaid, Lapus Rock et Cifou 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 13e édition. 15 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Suffocation, Voivod, Obituary, Shadows Fall, Jungle Rot et Hatebreed. Billets en vente chez Long & McQuaid, Lapus Rock, Le Metal Punk et au 3RMF.com au coût de $35 pour un soir ou $60 pour les deux soirs. Quantité limitée. C'est des compilations doubles remis gratuitement à l'entrée, une gracieuseté de Gally Records. Les 11 et 12 octobre, c'est un rendez-vous à la Bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Tu écoutes C'est fou, tu lis le Zone Campus, tu désires t'impliquer dans ta communauté? Le GME est à la recherche d'administrateurs étudiants et non étudiants pour siéger sur son conseil d'administration. Envoyez votre CV à ca@gmeuqtr.ca. Date limite 11 octobre. Vous aimez ce que vous entendez? Écoutez les Palmarès C'est fou les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les dimanches à midi et du lundi au mercredi à 17h. La radio, autrement, 89.1. C'est fou. Comment? Il est 20h30 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et ce, jusqu'à 22h. Jusqu'à tantôt. Oui, jusqu'à plus capable. On vient d'écouter avant cette pause publicitaire les formations suivantes, Vomitory et la pièce de Ravenous Dead que l'on trouve sur Carnage Euphoria. Qui est paru en 2009 sur Metal Blade. On sait que Vomitory a mis fin à ses activités pour des raisons qu'on ne connaît pas. Jungle Rot est la pièce Born of Contagion que l'on retrouve sur Kill and Command, paru en 2011 sur Victory Records. Entomb et Won't Back Down que l'on retrouve sur Uprising, un album qui est paru en 2000 sur Three Man Recording. Napalm Death est l'excellente pièce Greed Killing, qui est la pièce d'ouverture de l'album Diatribes, et non Diana. Diatribes, paru en 96 sur E-Rake, et nous avions ouvert avec Obituary, la pièce Drop Dead, tirée de l'album Executioner's Return, qui est paru en 2007 sur Candlelight. Je vous parle un peu cinéma. Le week-end dernier, j'ai écouté en rafale quelques films dont certains ne sont pas très bons, ou en fait qui n'ont pas comblé mes attentes, du moins le peu d'attentes que je pouvais avoir. Le premier, il s'agit du film After Hurt, qui est un film de science-fiction qui met en vedette Will Smith et son fils Jaden Smith. C'est un film produit par M. Night Shyamalan. Et tu connais M. Night Shyamalan? Peut-être. Le sixième sens. Oh, d'accord. Unbreakable. OK. Je vais t'avouer que le nom des producteurs, j'ai un peu de misère avec ça. Là. Bon, mais pas juste avec ça, t'as de la misère. Ben oui, vie en général, t'as de la misère. C'est un secret, ça. Non, mais ça l'est plus. Ma vie privée, ça reste privé. Ça l'est plus. C'est fini. Sinistro, c'est de la misère avec à peu près tout. Écoute, moi, ce que je dois te dire au départ sur M. Night Shyamalan, c'est que j'ai été très, très, très agréablement surpris de ce qu'il a pu faire. Surtout avec Le Sixième Sens, c'est un film qui était très innovateur, c'est un film qui était très surprenant, qui était très déroutant et c'était très intelligemment mené. Ça, c'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme flavor of the week. Hein? Tu sais qu'une nouvelle saveur peut avoir un engouement extraordinaire pendant très peu de temps, mais après ça, c'est redondant, ouais, c'est terminé. Hein? Et je pense que c'est le cas d'M. Night Shyamalan. Il a trouvé son point culminant avec probablement son premier film. Mais après ça, répéter la même formule, ben, il est trop tard. Hein? Je veux dire, le punch, il est déjà révélé. Quoi qu'il en soit, After Earth, c'est un film de science-fiction, comme je le disais, qui se passe 1000 ans après que les Terriens aient quitté la planète Terre par cataclysme et ainsi de suite. Il y a aussi une histoire d'extraterrestre là-dedans, qui est très effacée, dois-je dire. Et lors d'un transport spatial, le vaisseau de dont la mission est menée par Will Smith, qui porte le nom de Cipher Rage, qui est un Ranger, émérite, un général, franchi une pluie d'astéroïdes, et puis le vaisseau est endommagé. Ils sont obligés d'atterrir sur le premier endroit qu'ils trouvent, et surprise, ils atterrissent sur Terre. Mille ans après que les humains aient quitté la planète. Et le vaisseau se crache en deux sections. Ils sont lui et son fils, qui est son vrai fils dans la vraie vie aussi, les deux seuls survivants. Et lui, Smith, Will, le père, a les deux jambes cassées, donc il ne peut se déplacer. Et son fils doit aller chercher une balise qui est dans la queue du vaisseau, qui est à 100 km plus loin, pour être capable d'avertir les secours. Bon, OK, jusque-là, ça aurait pu avoir un certain sens comme scénario. Le problème, c'est que le film se déroule seulement entre eux deux. Il n'y a pas aucun autre. Il ne se passe absolument rien ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres comédiens. Jusque-là, peut-être, si c'est bien apporté, si c'est bien joué, d'accord. Mais c'est très long. C'est très prévisible. Et c'est aussi, par moments, je dirais, très ennuyant. Il n'y a pas beaucoup d'action, vraiment. C'est facile à prévoir ce qui va arriver comme action. Puis en plus de ça, c'est pas vraiment science-fiction l'affaire. Parce que tout au long, le périple du jeune qui porte le nom de Kit High Rage là-dedans, il gambade dans la forêt, puis il sauve des espèces de babouins, puis il faut qu'il s'abrite la nuit parce qu'il y a des périodes de gel. Il rencontre le petit chaperon rouge, puis... Non, parce que lui, le petit chaperon rouge, il y a longtemps qu'il avait été bouffé par Maria. Ah. Fait que ça... Les prises de vue sont extraordinaires, par exemple. Le côté, je dirais, making, c'est vraiment bien fait. Et c'est peut-être là que j'ai retrouvé le plus de points positifs, parce que c'est un film qui est quand même très bien fait, visuellement parlant. Mais c'est ennuyant, puis t'as pas vraiment le goût de revoir après. Donc, ça mérite pas plus qu'un 6 sur 10, en ce qui me concerne. Un autre film que j'ai... C'est pas le pire. J'étais un fanatique de films de zombies. Donc, je tenais absolument à voir le film Rise of the Zombies, qui est un film de Nick Lyon, qui met en vedette Danny Trejo. Et Danny Trejo, ce que je trouve étrange, c'est que il joue dans de très bons films, là. Tu sais, Machete, c'était super intéressant, là. From Dusk Till Dawn, c'était vraiment bon aussi, ce film-là. Même à rigueur, Desperado, c'était intéressant, là. Mais là, il joue là-dedans dans une série qui est même pas une série B, là. C'est une série Z-, là. Puis, les survivants qui se retrouvent sur l'île d'Alcatraz pour survivre puis se réorganiser versus ces zombies, mais c'est d'une platitude. Ça, c'est la firme Asylum qui sort ça. Asylum, c'est une nouvelle compagnie de cinéma d'horreur qui se spécialise dans l'art de recopier des choses qui ont été faites, les shaker un peu dans une boîte, les ressortir sous une saveur pseudo différente. Mais des fois, ils shake pas assez longtemps. Et de se dépêcher à sortir le film très, très, très rapidement quand ils voient qu'il peut avoir un film similaire qui a eu du succès. Tu sais, c'est pas un bon choix. Et ça fait des films qui sont vraiment poches. Puis honnêtement, ce film de zombies-là, là, perdez même pas votre temps à écouter ça, là, parce que c'est plate. Puis la traduction, les traductions de ces films-là, mais sont tellement cheap, que ça en est gênant. T'as quasiment l'impression que tu vas te cacher en arrière du divan pour écouter le film, pour être sûr que personne ne te voit. Là, donc, Rise of the Zombies, là, j'ai donné 1 sur 10. Pour une chose, parce que les zombies, par moment, ils sont cool. C'est tout. Mais ça fait pas le film. Un autre film que j'ai... Celui-là, c'est vraiment mon coup de grâce. C'est un autre film qui est signé Asylum. C'est Nazi at the Center of the Earth qui porte un autre nom. Finalement, c'est pas bon? Non, qui porte aussi le titre de SS Troopers. C'est 0 sur 10. Oh. Oubliez ça, c'est 0 sur 10. Donc, t'es en train de dire que Asylum, ils font rien que de la scrap, là. Ben, d'après ce que je peux voir à date, là... C'est pas très bon. C'est vraiment très, très, très minable, là. Écoute, ça se peut que j'ai pas tout vu ce qu'on fait, là. On s'entend, là. Mais moi, ce que j'ai vu à date d'Asylum, c'est... J'ai trouvé ça très ordinaire. Par contre, j'ai vu un bon film qui a mérité un 8 sur 10, qui est un film de Wayne Kramer et qui met en vedette Paul Walker, Brendan Fraser, Elijah Wood, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs autres. Il y a Matt Dillon là-dedans, il y a plein de noms qu'on connaît, qui s'appelle Pawn Shop Chronicles. Ça va être drôle, ça? Oui, à certains moments, c'est humoristique, mais imagine-toi un film dans le style de Quentin Tarantino, avec trois histoires distinctes, mais qui ont rapport l'une envers l'autre à un moment précis chronologiquement dans le film, qui te fait comprendre pourquoi l'autre histoire il s'est passé telle chose. OK. Et tout tourne autour d'un pawn shop, d'un tenancier de pawn shop, qui... Et ça se passe dans les États du Sud, très reculés, qui sont très, je dirais, il faut que je le dise, très paumés, parce que les habitants sont très paumés, sont des junkies, des voleurs, des meurtriers, ainsi de suite. Et ça tourne autour des trois histoires. L'histoire de trois personnes qui doivent aller braquer le dealer de dope du bled pour être capables, parce qu'ils sont tellement paumés jusqu'aux yeux, qu'ils sont plus capables de se procurer leur substance. Donc, ils sont dit, on va aller le braquer. Ça vire au drame, ça vire à la catastrophe. L'histoire, et ça met en vedette... la première histoire met en vedette Paul Walker. La deuxième histoire met en vedette Matt Dillon, qui est un jeune marié de deuxième mariage et qui s'est fait hacker son compte de banque, qui est obligé d'aller dans un pawn shop vendre la bague diamant de son épouse pour être capable de continuer son voyage de noces. Et il se rend compte qu'il y a une bague qui est à vendre dans le pawn shop qui appartenait à une bague faite sur mesure, qui appartenait à son ancienne, sa première femme, portée disparue mystérieusement. Et là, c'est toute son investigation qui va à partir de ça. C'est vraiment génial. Oh, il double le voyage de noces. Absolument. Il dit à sa femme actuelle, tu retournes dans la voiture et tu t'en vas. Mais elle dit, on vient juste de se marier, puis il lui répond, j'ai déjà une femme. Puis ça va comme ça. Mais ce bout-là est assez tordu. Parce qu'il y a des moments où le film est assez tordu. Et le troisième sketch, c'est un personnificateur d'Elvis qui est interprété par Brendan Fraser, qui est complètement paumé lui aussi, qui doit se rendre dans cette ville-là, dans une fête foraine, pour faire un spectacle de troisième ordre. Et il est sans le sou, il lui arrive que des catastrophes. Puis joué par Brendan Fraser. Et il fait très bien la job. Ah ouais? Oh, absolument, absolument. Ah. Et c'est génial parce qu'à un certain moment donné, le diable rentre en action dans ça. Pawn Shop Chronicles. C'est de qui? C'est un film qui est de Wayne Kramer que je ne connaissais pas vraiment. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment bon. Puis il y a des moments où tu es complètement dit, ah ben, si j'avais su, tu sais. Film de quelle année? Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, là. C'est tout frais, tout chaud. Donc, c'est probablement mon highlight de la semaine. Je vous incite vraiment à le voir parce que c'est vraiment très intéressant et bien fait. En ce qui concerne les films à revoir ou à découvrir, cette semaine, c'est une série télévisée que je vous propose, qui est une série de 1984 dont je suis un fan invétéré et qui est probablement une des meilleures séries en ce qui me concerne, du moins celle que je préfère parmi probablement toutes ou à peu près. Il s'agit des Adventures of Sherlock Holmes, qui est un film de une série de Michael Cox qui met en vedette Jeremy Brett et David Burke. C'est vraiment selon moi, la plus belle adaptation et personnification du personnage de Sir Arthur Conan Doyle, soit de Sherlock Holmes et de John Watson. C'est très british, c'est vraiment très victorien et c'est admirablement bien joué. Donc, The Adventures of Sherlock Holmes, il y a eu, ma foi, je pense que c'est 4 ou 5 saisons et il y a eu après ça des téléfilms qui sont disponibles en coffret. Vous pouvez vous procurer ça en ville sans problème et même à prix très intéressant et c'est vraiment très très bon. Moi, pour moi, c'est un 10 sur 10. Inconditionnel. Maintenant. Mais t'es déjà un fan de Sherlock Holmes. Je suis un fan de Sherlock Holmes. J'aime pas tout ce qui s'est fait sur Sherlock Holmes. Il y a vraiment de très bonnes interprétations de Basil Rathmore dans les années 40 qui sont excellentes. Mais ça, c'est vraiment la plus belle adaptation. Ce qui te donne vraiment le meilleur profil du personnage. Après avoir lu, évidemment, le pouvoir qu'elle était le personnage de Sherlock Holmes. Musicalement parlant, nous allons vers quoi? Ben, un petit bloc pseudo-gothique, blackish, noirci, toasté. Pas noirci, lance, là. Non, pas okay, sûr. OK, c'est bon. Ben, quoi, ça serait peut-être bon. Ben, je suis pas sûr. Regarde donc qui est devenu le petit gars d'à côté. Donc, ce serait... On s'en fout ce、oui. qui est devenu. Il se tient avec une gang de crottés. Oui. Hein, oui. Ben, il y a un avenir devant lui. Ah oui, c'est sûr. Jimmy Borgir avec la pièce Spellbound by the Devil, tirée de Enthroned Darkness Triumphant, paru en 97 sur Nuclear Blast. Ça sera suivi de Cradle of Filth, Tonic, Knowing et Type O négative. Ouh, il y a longtemps. On va mettre un petit peu de gothique, là. Allons-y. Alors, allons-y tout de suite avec Jimmy Borgir, pièce Spellbound by the Devil. Thank you. she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs. Wow. sur Milou. La vie en mauve, c'est des entrevues, des invités spéciaux, de la musique de la Mauricie, des activités régionales, avec vos animatrices Karina Tardy et Mylène Martin. Ne manquez pas La vie en mauve tous les mardis de 18h à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Suivez-nous sur notre page Facebook. L'Omnium du Rock mise au jeu est de retour pour une 10e édition. Ça commence cette semaine avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de bandes au Québec. Ne manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Dagobert. Visitez omniumdurock.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du Rock mise au jeu en collaboration avec Musique Richard et le studio Sismic. Pole dance. Pole dance. Fitness. Fitness. Fitness. L'école de pole fitness La Polkadot est unique en région et offre une nouvelle alternative à l'entraînement régulier hors salle et une expérience hors du commun. Les essais sont gratuits tout le mois de septembre. Réservez vos places. Faites vite! Les 50 premières inscriptions recevront un mois gratuit d'une valeur de plus de 200$. En plus des tarifs réduits pour vous, les étudiants. Pour info, 819-840-5888. La Polkadot, centre-ville face au Delta. C'est fou. 89.1. Or donc? Hey, Type O Negative avec Christian Woman qui est apparu sur l'album Bloody Kisses de 1993. Ça fait déjà quelques 20 années. C'est mon préféré, encore. Oh, c'est un très bon album, ça. Oui. No Wayne de la France avec Liar's Dream, tiré de l'album Infection Erasure Replacement. C'est paru en 2013, curieusement, sur Metallian Édition. Metallian, ça a rapport avec la revue. Oui, oui, effectivement. Il y avait beaucoup de samplers à tous les éditions. Oui, mais c'est ça. C'est encore le cas. Oui, oh, c'est encore le cas. Ouais. Tonic, qui nous vient de du Taïwan avec Supreme Pain for a Tyrant sur l'album Beautic, c'est paru en 2013 sur Spine Farm. Cradle of Filth, qui commence à battre de l'aile énormément. Non, rectification. Il bat plus d'aile, il n'y a plus d'aile pantoute. C'est ça. One Fall Step from the Abyss, tiré du très décevant Darkly Darkly Venus Aversa, qui est paru en 2010 sur Peaceville. Timmy Borgir, un autre groupe qui doit commencer à battre de l'aile pas mal. Spellbound by the Devil, tiré de l'excellent album Intro Darkness Triumphant de 1997. C'est apparu sur Nuclear Blast. Je crois que ces styles de musique, c'est en train de vraiment disparaître et s'essouffler. Oui, c'est effectivement le cas. C'est un... Le genre, disons, entre guillemets, black symphonique ou gothique de cet acabit a été une mode. Et c'est comme toute mode, eh bien, ça a une fin. Mais toute mauvaise chose a une fin. Hein? C'est pas rien que les bonnes choses. Oui, heureusement. Heureusement, tout à fait. Côté spectacle, du côté de BCI, vous pourrez voir le lundi 7 octobre au Club Soda, formation Soda. Au Biscuit. Oui. They Side, Broken Hope, The Scourge in a Chronomicon. Spectacle est à 19h, c'est pour tous, au coût de 25,22$ et $30,43 plus taxes. C'est disponible bientôt. Sepultura, Cataclysm, Unhurt, Ancient et Dark Sermon seront le samedi 16 novembre prochain à 18h30 au Metropolis. Les billets sont en vente via Ticketmaster au coût de 26,9 et 30 et 43 plus taxes et c'est pour tous. Et tant que au samedi 30 novembre prochain au Club Soda, c'est Hellstorm, Trollfest et Gypsy Hawk. C'est à 20h, c'est pour tous, au coût de $23 et $29 taxes incluses et c'est disponible à la billetterie du Club Soda. Musicalement parlant, il est maintenant 21h15, si je ne m'abuse. Et puis, effectivement, il en reste moins qu'il en restait à cette édition de réanimation. Mais pour faire exception, comme je le fais à tous les semaines, nous allons aller chercher quelque chose de death metal. Ah non, pas de ça. Ah oui, et ce, pendant 22 minutes 51, si je ne m'abuse. Nous allons entendre les formations It Eternal, Decapitated, Crazy and Decide. Mais débutons tout de suite avec Incantation et Ascent into the Eternal. Go! We'll be right back. au 29 septembre, venez vivre l'expérience Ozias le Duc à l'église Notre-Dame de la Présentation de Shawinigan. Ce lieu historique national du Canada renferme en ses murs le dernier chef-d'œuvre de ce grand peintre québécois. À seulement 2 minutes de la Cité de l'énergie, Ozias le Duc en Mauricie vous propose une foule d'activités. Profitez-en pour contempler l'exposition temporaire d'estampes « Le temps se contente d'user » de l'artiste Karine Beaulieu. Surveillez la page Facebook d'Ozias le Duc en Mauricie ou visitez notre site internet à eglisendp.qc.ca. Ozias le Duc en Mauricie, une découverte qui vaut le détour, selon le guide Michelin. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le Festival international de musique universelle de Trois-Rivières vous invite pour sa 18e édition à célébrer les 30 ans de l'atelier Silex sous le thème de « Parle-moi rare » avec 5 heures de spectacle. Au menu, Isabelle Clermont, le Free Opera Ensemble, un hommage à Claude Gauvreau, un hommage à Frank Zappa avec Viva Zappa et aussi le projet BASF. Les billets en pré-vente, 10$, 13$ à la porte. Ça se passe le samedi 28 septembre, 19h30, pile, à l'atelier Silex, au 1095 Père Frédéric. Information tr.finu@gmail.com. Le FIMU est une coproduction avec C'est Fou. Bizzladrou, à vœu de plou, pâle, selvareux, au roupe. C'est Fou. 89.1. L'émission tire à sa fin. Avant cette pause publicitaire, on a entendu les formations death metal suivantes, At Eternal et la pièce Bringer of Storm, que l'on retrouve sur l'avant-dernier album, cette formation américaine que j'aime beaucoup. L'album étant Fury and Flames, paru en 2006, que je raconte en 2008. Auparavant, Decapitator de la pièce d'ouverture du dernier album Carnival is Forever, soit The Knife, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast, Crescion, Combustion Inferno, tiré de l'album Sword and Storm de 2008, étiquette Century Media, Bayside de la pièce Crucified for the Innocence, qu'on retrouve sur The Stench of Redemption, qui est paru en 2006 sur E-Rake, et notez que Bayside devrait sortir un nouvel album. Le 26 novembre, nous avions en ouverture de Block Incantation et la pièce Ascent into the Eternal que l'on retrouve sur Vanquish in Vengeance qui part en 2012 sur Listenable. Je vous rappelle aussi également que la 13e édition du Trois Metal Fest se tiendra les vendredis, samedi 11 et 12 octobre. Bon, vais-je le dire, à la bâtisse industrielle. L'ouverture des portes de la bâtisse est à 17h, les spectacles débutent à 18h. C'est pour tous au coût de $35 par soir ou $60 pour le forfait 2 soirs. Vous pouvez voir les formations suivantes, soit le gagnant de la du concours Metal Academy, Unhuman, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Vivod, Suffocation. Ça, c'est pour le vendredi 11 octobre. Et tant qu'au samedi 12, Hear My Words, Insurrection, Battlecross, The Acacia Strains, Shadows Falls, Obituary et Hatebreed. Et quoi de nouveau, à part le fait que c'est toi qui clôt cette édition? Dernier bout. Alors, on va terminer avec du Rotting Christ. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça, ce groupe-là? Je sais pas. OK. On aura du Finn Troll. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Moi non plus. Et Arcona. Non plus. Je voulais mettre une pièce de Falkenback, mais on aura peut-être pas le temps. Ah, on verra bien. Peut-être pas, peut-être. Alors, allons-y tout de suite. Rotten Christ, tiré de l'album Cataton Daimona Aitoi. Voici Grande Spiritus Diabolus. Go! We'll be right back. penis, fuck that penis, fuck! C'est ici que nous tirons notre révérence. On vient d'entendre Arcona avec On the Unknown Trail, tiré de l'album Goy Rod Goy de 2009.